Dans une vaste écurie du château, le berger selle un très beau cheval avec l'aide d'esprit qui paraît inquiet. Tu devrais réfléchir encore un peu. Je peux plus. Il faut que je parte avec elle. Je ne peux pas rester 2 minutes à l'attendre. Il faut que je la touche, que je la voie, que je sente son odeur. Elle m'a mis le feu dans le sang. De penser à elle, ça me fait trembler. Et tu crois qu'elle voudra venir? Elle est aussi folle que moi. Quelle heure c'est? Il manque 20 minutes pour 5 heures.